Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Accordéon parade. Accordéon parade, c'est un plateau d'accordéonistes. Le bonjour tous les dimanches de 9h à 10h. Le bonjour de l'accordéon, bien sûr. Émission que vous propose, que vous présente Michel. Émission 100% musette sur la bande FM. Auditrice, auditeur de Sorgia FM, bonjour. Et ce dimanche, et oui, ce dimanche, nous allons aller chercher de la fraîcheur dans les Alpes avec... avec la valse savoyarde de Monsieur Merceau et interprétée ce jour par Claude Chevalier, la valse savoyarde. Merci à Jean-Claude. Jean-Claude Daniel qui vient de nous interpréter Mirabel, un morceau qui nous vient de Lorraine, Mirabel bien sûr. Et on aurait préféré du Genépi puisque nous étions dans la valse savoyarde il y a quelques instants. Mais c'est comme ça. Et on continue avec une série de passodobles. Karen. On est parti. Hey. Karen Neuville de Lons-le-Saunier. Allez, on y va. Et on est parti. Auditrice, auditeur de sur GFM, est-ce que vous êtes parti ce dimanche matin autour de la table? Voyons, voyons, Michel, il fait chaud ce dimanche. Eh bien, s'il y en a une qui est partie, c'est Dolores. Et c'est Cadence, l'orchestre Tendance qui nous dit adios, Dolores. Dans la Sienna, j'entends sur la musique la jolie voix de la fille du Mexique. Tous ses amis, les mariachis, lui disent adieu avant qu'elle ne quitte le pays. C'est au Texas, à la frontière juste en face, que Dolores va perdre sa jeunesse. Pour des dollars, elle va chanter dans les bars, car l'Amérique aime les filles du Mexique. Adios, Dolores. princesse. On croise les doigts dans l'hacienda. Adios Dolores, jeune princesse. Quelle tristesse. Adios Dolores. Cheval ou moto, c'est le monde Eldorado. Moi je passe mes vacances dans le Bourbonnais. Au cœur de la France, nous avons le paix. Moi je passe mes vacances dans le Bourbonnais. Le soleil danse des cafés au lait. Et il y a de jolies filles qu'on roule dans les bois. Et Vichy gambille grâce au 5%. Friture de l'omance, balade à troncée. Moi je passe mes vacances dans le Bourbonnais. Vérité de la palisse ou folklore de Ghana. Chaque étape a ses délices, du donjon à Domera. Il y a le pâté aux pommes de terre ou la pompe au gratin. Des éléphants à Dampierre, à château en Troubélion. Mais le bon du bon quand on a le bourdon, c'est faire un tour à Bourbon. Hey, moi je passe mes vacances dans le Bourbonnais. Thank you. de la Sioule, balade à troncer. Moi je passe mes vacances dans le Bourbonnais. Hey! Eh bien merci à la bande à Bardet qui vient de nous dire qu'ils passent leurs vacances dans le Beaujolais. Nicole et Jackie reviennent, mais eux, ils reviennent de Manhattan. Nicole et Jackie, deux sympathiques jeunes qui nous viennent de Suisse et qui nous interprètent un souvenir de Manhattan, tout nouveau dans l'accordéon parade. We'll be right back. Merci aux accordéonistes de la Côte d'Opale de nous avoir fait chavirer avec ce merveilleux tango. Et vous êtes à l'écoute des 91 et 91 MHz de Sorge FM en compagnie de Michel qui vous propose, qui vous présente Accordéon Parade. Une heure de bonheur tous les dimanches entre 9h et 10h. Du musette et encore du musette. Sur la bande FM, bien sûr. Maintenant, nous allons écouter un sympathique accordéoniste vosgien qui nous a quittés en 2010. Il avait 82 printemps. Et qui a vu le jour le 30 juillet 1928. Eh bien, ce sympathique vosgien, c'est Roland Zaninetti. Monsieur Roland Zaninetti va nous interpréter un merveilleux morceau de sa composition majestique, Roland Zaninetti. Thank you. Monsieur Zaninetti. Pour vos chansons, pour vos flanflons, avec l'accordéon. Pour toutes vos mélodies qui valsent dans nos vies et font danser à l'infini les amoureux de la nuit. Monsieur Zaninetti, Monsieur Zaninetti, Monsieur Zaninetti, l'accordéon peut vous dire merci et la France aussi. Un coup de souffle et c'est reparti, Monsieur Zaninetti. Merci à ces deux artistes, Cyril Renaud des Vosges et Hubert Ledan de Savoie, de dire un grand merci à M. Zaninetti. Merci, M. Zaninetti. We'll be right back. bientôt le final. On a le cœur joyeux et les yeux pleins d'étoiles. C'est fou comme on les aime, ces chansons éternelles qui animent le bal. Devant vous maintenant, dans un refrain chantant, on retrouve ces années, ces printemps éclatants qui arrêtent le temps et qui nous font chanter. Merci, merci pour l'amour et la joie dans les cœurs. Merci, merci. Et oui, c'est Jérôme Robert qui vous dit merci. Également Michel qui présente l'émission Accordéon Parade vous dit à vous auditrices, auditeurs de Sorgiam, un grand, grand merci. Ce qui compte, c'est qu'on s'aime vraiment. C'est grâce à vous que l'accordéon. Et oui, c'est vrai, grâce à vous, l'accordéon est le roi. Et ça, c'est tous les dimanches matin de 9h à 10h avec Michel. Merci encore une fois, auditrices, auditeurs de Sorgia FM, d'écouter Accordéon Parade. Et avant de continuer, eh bien nous allons faire un petit tour à Belleville avec Adolphe, Adolphe de Prince. Merci au collectionneur de poupées Adolphe de Prince de nous avoir interprété Belleville. Et Belleville, c'est un joli petit village, une jolie petite banlieue. Et bien maintenant, on va écouter le Rossignol. Et c'est tout nouveau dans l'accordéon parade. C'est Claude Martin et Christelle Baudard qui vont nous interpréter le Rossignol. Un joli petit duo. Écoutez ça. Thank you. Ça y est, il a bien sifflé le rossignol. Eh bien, on y va. De la Java, les gars. Oh, oh de la Java. Ah, ça, la Java, il y a ça de vrai. Il y a que ça de vrai, il y a que ça de vrai. Mais c'est la Java des ars. Thank you. marche russe chez notre ami Vladimir. Et merci à Jérôme Robert de nous avoir interprété la danse russe. Eh bien, nous restons pas en Russie, mais nous revenons vers chez nous. Nous allons au Portugal avec Tino Costa, voilà. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Sur les 91 MHz, vous êtes en compagnie de Michel qui vous propose, qui vous présente Accordéon Parade. Et ce dimanche, je vais vous faire plaisir puisqu'on va aller un peu plus loin que 10 heures. Et puis, encore une fois, eh bien, auditrices, auditeurs de ce GFM, il faut que je vous dise un grand, grand merci. Je ne vous dis pas pourquoi, mais c'est de m'avoir écouté sur les 91 MHz de ce GFM. C'est bientôt le final, on a le cœur joyeux et les yeux pleins d'étoiles. Et oui, c'est vrai. Ces chansons éternelles qui animent le bal. Devant vous, maintenant, dans un refrain chantant, on retrouve ces années, ces printemps éclatants qui arrêtent le temps et qui nous font chanter. Merci, merci pour l'amour et la joie dans les cœurs. Merci. Et avant de vous quitter ce dimanche, eh bien, on va aller faire un petit tour au bord d'une cascade avec Monsieur Fredo Gardoni. Thank you. Et puis, je ne vais pas vous quitter comme ça. Non. Je vais vous quitter avec deux Gilbert, Gilbert Schwab et Gilbert Hofstetter, deux sympathiques créateurs des accordéonistes jurassiens qui vont nous mettre dans l'ambiance, une ambiance jurassienne. Thank you. Et c'est avec Jules Lancien qui vient de nous interpréter une dernière fois, que je vous quitte, auditrice, auditeur de Sorgia FM. Accordéon parade, c'est fini. Je vous rappelle que l'émission est rediffusée le mardi à partir de 10h sur Sorgia FM et en podcast sur Internet. Passez un bon dimanche, une bonne semaine et si vous êtes en vacances, de bonnes vacances! Et je vous dis bien sûr à bientôt sur les 91 MHz de Sorgia FM. Émission programmée, présentée et réalisée par Michel. Et voilà 1885 dimanches que ça dure. Bon dimanche, bonne semaine et bye bye! Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. C'est Michel qui est avec vous pour une petite heure de détente et de bonne humeur. Alors, on est en vacances? Ah ah ah, les vénards! Alors je vous souhaite de bonnes vacances, heureuses, et puis du bonheur, et puis de la chaleur. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire au mois d'août? Bien sûr, il y a les vacances. Tiens, on va demander à Pierre Perret ce qui se passe, ce qu'il fait, lui, au mois d'août. Parti. partit le premier roux vers Saint-Tropez à l'aventure. À peine 12 heures plus tard, on voyait déjà Montargis. On eut les croissants chauds bien avant l'heure de l'ouverture. Grâce à un 25 tonnes qui venait de se faire une pâtisserie, il faisait beau, on chantait faux. Mon pote Marcel était tout fier de sa deux chevaux. Quand un salaud, sur son vélo, nous a foutu la trottinette en mille morceaux. C'est au mois d'août, on met les bouts, on fait les fous, les gros matous, les sapajous. C'est les vacances de soleil, arrivé dans le midi, on se dégote une pension minable, en se disant qu'il serait temps de s'emballer de filles à papa. Des petites gosses d'aristo qui offriraient des vacances convenables, un peu façon Rothschild avec deux doigts de Kamasutra. Ça vous dégoûte, casser la croûte dans un boui-boui où ce qu'il y a le colin qui sent le mazout. Comme dit le garçon qui fout le frisson, ça revient au même puisqu'il y a le poulet qui sent le poisson. C'est au mois d'août, qu'on met les boutins, qu'on fait les fous, les gros matous, les sapajous. C'est les vacances, le soleil, dur à Saint-Trope, c'est de dégauchir des petites minettes, du genre de celles qui enveloppent la viande du chat dans le chèque en blanc. Sur la plage de Pamplonne, uniquement fringuées de leurs lunettes, huilées comme des salades, elles se font toutes bronzées, le cadran, cadran lunaire. La bonne affaire, cadran polaire, il est minuit, docteur Schweitzer. J'en ai vu un, qui marque la demi, un lumineux que je poserai bien sur ma table de nuit. C'est au mois d'août, qu'on met les boutins, qu'on fait les fous, les gros matous, les sapajous. C'est l'été, les vacances de soleil, on a soulevé deux qui devaient pas pointer au chômage. Mon nombril accueillant comme des guichets de bons du trésor. On patouillait dans le stupre et les écrevisses à la nage. Dans un palace doré comme les crocs du duc de Bedford. Mais manque de bol, en guise d'obol, elles nous cloquèrent un petit souvenir bien croquignol. Les poulardins nous filaient le train, plus les maris qui nous coursaient comme des lapins. C'est au mois d'août, qu'on met les boutins, qu'on fait les fous, les gros matous, les sapajous. C'est les vacances de soleil, we'll be right back.

vivre cent ans. Valse, valse, ma valserine, j'écoute ton clair gazouillis. Autour d'elle sonner clarine, c'est le chant de mon pays. À la miaout. Jamais une coquette vous demande un jour quelle saison est la plus chouette pour rêver d'amour. Ne dites pas que la meilleure date c'est mars ou fin septembre. L'époque la plus adéquate c'est celle que chantent les chattes. À la mi-août, c'est tellement plus romantique. À la mi-août, on fera les 400 coups. À la mi-août, tous les cœurs sont en pique-nique. À la mi-août, les filles n'ont pas peur du loup. Vous dit soudain, j'adore les fourrures. Qu'en encourage mon ragondin. Chanter d'un air badin. À la miaou, c'est bien plus économique, voyons. À la miaou, y'a de la joie pour les matous. Je me souviens lorsque naguère j'ai passé mon bac. Comme j'étais pas une lumière, j'avais plutôt le trac. Le prof d'histoire me demanda quand on est nul, ça te perce. Dès l'instant qu'on parlait du chat, j'ai dit, eh bien, voilà. À la miaou, c'est tellement plus romantique. À la miaou, y'a de la joie pour les matous. À la miaou, on se sent plus dynamique. À la miaou, on s'amuse comme des fous. Je connais une auvergnate qui aime un bounia. Quand elle dit « Ah bah les pattes », il s'écrit « Fouchtra ». Achète que tu me donneras, tout ce que tu possèdes. Pour l'instant, répond-elle au gars, il n'est pas question de chat. De chat. Et alors? De chat. Miaou. À la miaou, ce sera plus romantique. À la miaou, on fera les quatre chancous. Petite danse auvergnate, en anglais, little bourré. Miaou, miaou. I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there. Like a puppet on a string. Love is just like a merry-go-round. the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Then the wicked carried us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Vous aimez l'accordéon ? Le bon musette, c'est tous les dimanches avec Michel. 9h, 10h, accordéon parade. Et je vous rappelle que pendant le mois d'août, Michel sera là sur les 91 MHz de Sorgia FM pour accordéon parade. La bonne humeur, la détente, c'est tous les dimanches matin sur les 91 MHz de Sorgue FM. Et à toutes fins utiles, je vous rappelle qu'Accordéon Parade est rediffusé le mardi à partir de 10h. Vous avez Internet ? Vous pouvez écouter Accordéon Parade sur Internet, dans les podcasts. Et bien d'autres émissions de sur GFM. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table.

mais j'ai mal, mais t'es loin de moi, t'es trop loin de moi. Je ne dors plus la noche. Je rime, mais je rime, mais j'ai mal, mais j'ai mal, mais t'es loin de moi, t'es trop loin de moi. Je ne dors plus la noche. Je ne t'aimerai pas. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Elle est l'unique femme au monde que je voudrais dans mes bras. Elle est figée dans ma cabeça. Mes amis, je suis dans un sale état. Je suis piqué, l'injection est létale. Je l'ai aperçue place Gambetta. Elle est figée dans ma cabeça. Mes amis, je suis dans un sale état. Je suis piqué, l'injection est létale. Adieu monsieur, tout est fini. Carla di ratata. Quitte-moi et refais ta vie. Carla di ratata. Je préférais la fleur des champs. Carla di ratata. Toi le soleil de ces derniers temps. Carla di ratata. Monsieur, tu n'étais pas fidèle. Carla di ratata. À ce qu'en disaient mes amis. Carla di ratata. Il faisait bon dans le logis. Carla di ratata. Adieu monsieur, j'avais du cœur. Carla di ratata. Et là de champ un tracteur. Carla di ratata. Et moi je n'ai que mes deux mains. Carla di ratata. Pour semer le vent et le grain. Carla di ratata. Adieu monsieur, pendant que t'aimes. Carla di ratata. Moi j'irai voir pousser les graines. Carla di ratata. Adieu monsieur, tout est fini. Carla di ratata. Adieu l'enfant, tu pars aussi. Carla di ratata. On dit que la ville c'est mieux qu'ici. Carla di ratata. Tu pourras avoir des voitures. Carla di ratata. Comme dans les livres d'aventure. Carla di ratata. Je n'ai qu'une enfant, c'est ma terre. Carla di ratata. Je n'ai qu'une amie, la rivière. Carla di ratata. Elle est à moi, elle me connaît. Grand succès de Dalida des années 1970, Darla Dila Darda. Et toi, et le ciel t'aidera, murmure une petite voix, voilà ton mantra, et tu traces ton chemin. Ton chemin, t'avances, des ours tu n'attends rien, solitaire tu navigues, en brise glace et tu traces ton chemin, traces ton chemin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. On avance et tu traces ton chemin, traces ton chemin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Bye bye, auditeurs, auditrices de Storgy FM. À bientôt. Passez de bonnes vacances. Et soyez bien à l'écoute de Storgy FM le mois prochain. Mais moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour les émissions Accordéon Parade et Dimanche Variété. Allez, bye bye, bon dimanche, bonne semaine et à bientôt.